Fadjet, presque ensemble. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 29 mai, il est 8h30, vous êtes sur Fadjet et vous avez bien raison. Fadjet, presque ensemble de retour en ce samedi matin, la nouvelle émission mensuelle spéciale confinement à distance. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h pour vous réveiller en douceur, mais aussi en bonne humeur. On va essayer de s'informer aussi un petit peu, développer sa culture générale, pourquoi pas, grâce notamment à nos chroniqueurs du jour. Et aujourd'hui, avec nous ce matin, Joss, Isabelle, Philippe et Jérôme. Comment ça va ? Très bien. En forme, comme d'habitude. Oui, en forme. Bien réveillé ? Oui, il y a le soleil. Samedi matin. 8h30, ça va, c'est pas une matinale, il n'est pas 6h non plus. Non, mais c'est tout quand même pour un samedi matin. Mais vous avez fait l'effort pour Fadjet, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'en savoir un peu plus. Plein de choses hein, aujourd'hui au programme, alors on va commencer déjà par donner le petit sommaire. Joss, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, je continue sur les expressions françaises et j'ai une petite chronique particulière sur le drapeau français. Très bien. Isabelle ? Eh bien, moi, je continue avec l'origine des fêtes dans les traditions. D'où ça vient ? Alors, ça sera l'origine de la fête des mères aujourd'hui. Et puis, une deuxième chronique avec des anecdotes rock'n'roll. Très bien. Et on va écouter du rock aussi ce matin. Philippe, tu vas nous présenter une association. Et tu vas nous faire voyager. Oui, bonjour, chers auditeurs, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la CLCV, donc l'Association de Consommation, Logement et Cadre de Vie. Et la deuxième chronique, on a la chance aujourd'hui d'avoir deux chroniques. Eh ben, je vais essayer de vous proposer une région de France, si vous ne savez pas où partir en vacances cet été. Voilà. Très bien. Bah, vous n'êtes pas très nombreux, donc il faut tenir jusqu'à 10h. C'est pour ça que vous nous proposez encore plus de choses ce matin. Les autres ne se sont pas réveillés. Jérôme avec nous également ce matin. Oui, salut. Bonjour à tous. Moi, je vais vous proposer un retour dans le passé en chanson, hein, puisqu'on va retrouver un grand succès de Dionne Warwick. Donc, j'évoquerai un petit peu des anecdotes concernant cette chanson. Et puis, je proposerai, comme d'habitude, le traditionnel blind test en fin d'émission. Donc toujours spécial. Ces succès musicaux qui au départ étaient des bandes originales de films, mais cette fois-ci en français. Spéciale chanson française pour Joss. Pour Joss, voilà. Tout à fait. Mais Joss, on va la... Joss, la prochaine fois, expression anglaise. Hein. Oui, j'avais une petite phrase pour François aujourd'hui. Alors je voulais justement, j'allais conclure avec ça, embrasser notre François qui est souffrant. On est sûr qu'il nous écoute. Bien sûr. Ah oui. Il est avec nous par la pensée. Il va nous donner de la force en ce samedi matin. Voilà, puis on espère qu'il va aller mieux en fin de matinée, voire en début d'après-midi. Parce qu'on connaît, qu'il puisse profiter du week-end un petit peu. On connaît François, il aime bien aller à droite et à gauche. Donc on espère pour lui qu'en fin de matinée ou en début d'après-midi, tout ira pour le mieux. Mais oui, il va pouvoir profiter de son week-end, un beau week-end normalement d'annoncer. Ce week-end qui doit être ensoleillé, donc le soleil est très bon. Oui, mais bon, en ce moment, il peut faire beau et deux minutes après avoir une belle averse. Donc, même à moins de 24 heures, je ne m'aventurerai pas sur la météo. Hein. Non. Allez, on débute Fadjet presque ensemble en ce samedi 29 mai. Ça commence tout de suite. Ensemble. Fadjet, presque ensemble. Ensemble. Et on commence avec Philippe qui nous parle d'une association de consommation. Oui, alors bonjour à tous. Je vais donc vous parler de l'association la CLCV Malzéville-Saint-Max, donc une association de consommation, logement et cadre de vie. Alors, petit historique sur le plan national, la CLCV est une association nationale qui défend exclusivement les intérêts spécifiques des consommateurs et des usagers. Créée en 1952, voulue et maintenue indépendante de toute influence politique, syndicale, professionnelle ou religieuse, la CLCV intervient au niveau national et local sur tout ce qui concerne la défense des consommateurs, la représentation des locataires, l'éducation populaire, la défense de l'environnement et la représentation des usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique. Depuis ses origines, son action vise un monde juste et solidaire. C'est à partir des questions quotidiennes des particuliers, témoins des dysfonctionnements de la société, que l'association agit. La CLCV fédère un réseau de près de 360 associations locales et compte 31 000 adhérents. La CLCV se caractérise comme une association généraliste tout d'abord. Elle aborde l'ensemble des sujets de consommation des ménages au sens de l'indice INSEE, habitat, urbanisme, transport, services financiers, services essentiels, téléphonie et Internet, alimentation et santé. C'est aussi une association consumériste exclusivement dédiée à la défense des intérêts des consommateurs et usagers. C'est aussi une association éco-citoyenne. Son action s'inscrit dans une optique du développement durable. Elle vise à faire évoluer les modes de production, de distribution, de décision et des modes de vie pour concilier les impératifs de pouvoir d'achat et l'exigence de réduction des impacts négatifs sur la santé et l'environnement. C'est aussi une association de terrain présente dans 72 départements en métropole et outre-mer. Elle agit au plus près des habitants. Et enfin, c'est une association sociétale. Elle analyse les obstacles quotidiens rencontrés par les habitants, en identifie les causes et apporte bien évidemment des solutions. En 2021, la CLCV Malzéville-Saint-Max, c'est 8 bénévoles, dont la présidente Sylvie Gruy, le trésorier Marc Berthaud et le secrétaire Christian Saquet. C'est aussi le règlement des litiges, consommation, logement. Depuis la crise du Covid-19, effectivement, les rencontres avec un bénévole se font uniquement sur rendez-vous. C'est aussi des réunions d'information, exemple fin des tarifs réglementés du gaz en avril dernier. C'est aussi la tenue de stands lors de certains événements, comme les forums associatifs, les journées d'accueil des nouveaux habitants, des forums seniors, des fêtes de quartier, la fête de l'eau au Port Saint-Georges par exemple, et prochainement la participation à la première édition de la base de loisirs organisée par la métropole du Grand Nancy. Ce sont aussi des ateliers de sensibilisation comme le Barao, la maison maisonnette, le panier éco-citoyen et le jeu du mégot, entre autres. C'est aussi la représentation et la défense des intérêts des locataires chez les bailleurs sociaux et c'est aussi la participation au conseil citoyen. Quelques dates à retenir pour les prochaines semaines à venir. Ils seront présents le 9 juin à 14h pour une animation de quartier dans le quartier donc Véringe, Barao, ramassage de mégots, suivi d'un goûter offert aux enfants et Barba Papa. C'est aussi 4 animations à la base de loisirs des Rives de Meurthe, Écozone, zone 1 sur Tomblaine, donc les 22 juin et le 3 août, un Barao. Et les 11 juillet ainsi que le 22 août, c'est le panier de l'éco-consommateur, sans oublier les forums à la rentrée de septembre 2021. La CLCV Malzéville-Saint-Max, c'est 28 ans au service des consommateurs, des locataires et des usagers. En conclusion, n'hésitez pas à contacter Sylvie Gruy et Christian Saquet au 03 83 29 10 96 ou par mail à malzéville@clcv.org. Retrouvez également toutes les informations sur le site https://www.clcv.org ou sur la page Facebook CLCV Malzéville Saint-Max. Voilà mes amis. Merci beaucoup Philippe. Mais ça fait du bien d'annoncer des événements en vrai. Enfin. Ça fait beaucoup de bien. Voilà, des choses qui vont se passer. Et puis Barba Papa, n'oubliez pas, il y a un petit goûter avec des Barba Papa. Donc si vous êtes dans le secteur, n'hésitez pas à venir goûter des petites Barba Papa. Voilà. Découvrir la CLCV, l'association Consommation Logement Cadre de Vie de Malzéville. Alors il y en a un petit peu partout hein, pour ceux qui nous écoutent un peu plus loin aussi des associations. Un grand merci Philippe. Et donc tout à l'heure, tu vas nous faire voyager en France. Tout à fait. On n'en dit pas plus. On garde la surprise. Ensemble. Fadjet, presque ensemble. Ce week-end, eh bien, c'est quoi ce week-end demain? C'est la fête des mères. La fête des mères, bravo Philippe, un premier point. On va le garder pour le blind test hein, de tout à l'heure. Mais d'où ça vient la fête des mères, Isabelle? Eh bien d'où ça vient? Eh bien figurez-vous qu'au départ, ça vient de l'Antiquité. Alors dès l'Antiquité, les mères étaient à l'honneur. mais d'une autre façon. Donc chez les Grecs, c'était la mère des dieux, Rhéa, que l'on fêtait. Les Romains, au 5e siècle avant Jésus-Christ, rendaient hommage aux femmes et aux mères. Cette fête portait le nom des Matraliae et célébrait Mater Matuta, la déesse de l'aube et de l'enfantement. Elle avait lieu le 11 juin, au moment où l'on se rapproche du solstice d'été. Cette tradition ne réapparaît qu'au 16e siècle en Angleterre. Les Anglais instituent alors le Mothering Sunday, le dimanche des mères. Cette fois, il s'agit de donner le droit aux domestiques des grandes familles anglaises d'avoir un jour de repos afin de se retrouver en famille. Mais ce n'est qu'au 19e siècle que la fête voit le jour en France. En 1806, Napoléon Bonaparte évoque la création d'une fête des mères officielle que l'on célébrerait au printemps. Mais l'idée tarde à se mettre en place. Et en 1897, l'Alliance nationale contre la dépopulation lance une autre idée, une fête des enfants, afin de mettre en avant l'importance de la fécondité et de mettre à l'honneur la famille. C'est finalement à l'union fraternelle des pères de famille méritants d'Arthas que l'on doit pourtant la toute première célébration des mères. Le 10 juin 1906, l'Isère décide alors de récompenser les mamans les plus méritantes, le tout dans une véritable ambiance de fête, comme l'attestent les défilés dans les rues décorées. Plus tard, le 16 juin 1918, le colonel de la Croix-Laval va instaurer la première journée des mères officielle à Lyon. C'est le début de la tradition. Le 25 mai 1941, le maréchal Pétain institue définitivement la journée nationale des mères. Et après la Seconde Guerre mondiale, le 24 mai 1950, le président de la République, Vincent Auriol, promulgue un texte de loi instituant la fête des mères. Elle est alors définitivement fixée au dernier dimanche de mai. Et si cette date coïncide avec celle de la Pentecôte, la fête des mères a lieu le premier dimanche de juin. Donc cette loi, elle dispose que la République française rend officiellement hommage chaque année aux mères françaises au cours d'une journée consacrée à la célébration de la fête des mères organisée par le ministre chargé de la Santé. Alors voilà, ça existe ailleurs dans le monde également, mais ce n'est pas la même date. Alors dans le monde, des petites fêtes des mères un petit peu spéciales parfois. Alors est-ce que nous allons avoir de la peau de bouc? Pas non, non, pas cette fois. Je suis déçue. Ça reste plus traditionnel quand même. Je suis déçue. Ça reste, oui, ça reste soft. Alors, en Éthiopie, il n'y a pas de date fixe pour la fête des mères et ce n'est pas non plus déterminé à l'avance. Ça dépend de la fin de la période des pluies. Donc, on peut attendre un certain temps. Alors, dès que le temps s'éclaircit, c'est souvent en octobre ou en novembre, les membres d'une même famille se retrouvent pour célébrer. Donc, les mamans, ils mangent, ils dansent, ils chantent durant 3 jours pour fêter donc, cette fête qu'ils ont baptisée, eux, Entrecht. Bon, je le dis à ma façon, je ne sais pas exactement. Il va falloir qu'on travaille les accents dans cette émission quand même. Hein. Voilà. Ensuite, au Népal, la fête des mères a lieu le dernier jour du mois de Baïska. Alors, c'est en avril ou en mai. Et là, on honore les mères, en fait, qui ont perdu la vie. Et pour leur rendre hommage, certains partent en pèlerinage vers les étangs Matatirtha, au sud-ouest de Katmandou. Voilà. En Thaïlande, la fête des mères est célébrée le 12 août. C'est le jour de l'anniversaire de la reine Sirikit, qui est considérée comme la mère de tous. Et donc, pense dans cette fête nationale, les Thaïlandais offrent à leur maman un bouquet de jasmin dont la blancheur rappelle la pureté de l'amour d'une mère pour son enfant. C'est plutôt joli, ça. Plutôt mignon. Voilà. En Chine, c'est un peu le même principe. Alors là, ça a lieu le deuxième dimanche de mai, la fête des mères. Et là, les enfants offrent à leur maman des œillets, puisque les fleurs, ces fleurs là, colorées sont symboles de pureté aussi là-bas. Et c'est la même tradition au Japon et en Australie. Donc, c'est des œillets aussi qui sont offerts. Allez, je vous en donne une petite dernière. Allez, une dernière. Je cherche la plus rigolote. Mais il n'y en a pas tant que ça. C'est pas si rigolo que ça, en fait, la fête des mères. C'est plutôt des cadeaux traditionnels. Au Mexique, si les enfants chantent Las Mañanitas, ça veut dire les petits matins. Et donc, c'est un air festif traditionnel qu'ils chantent à leur maman le matin de la fête des mères. Super. Voilà. Moi, je voudrais qu'on souligne et qu'on applaudisse Isa pour sa persévérance. Parce qu'à chaque émission, il y a des noms hyper compliqués, mais elle continue. Elle galère à chaque fois. C'est galère, oui. Mais elle y va, elle continue. Elle pourrait choisir des choses plus simples, mais non, elle y va. Moi, franchement, j'ai envie qu'on t'applaudisse un petit peu. La persévérance d'Isabelle. Oui, Jérôme. Oui, bravo Isabelle. Et tu vois, effectivement, Joss, il n'y a pas que l'anglais. Hein, donc... Oui, c'est ce que moi, j'essaie de trouver des chroniques où il y a très peu d'anglais. Voilà. Mais toutes les autres langues, c'est compliqué aussi. Il faut faire des efforts, Joss. Mais ouais. Toutes les langues sont compliquées quand on ne les connaît pas forcément. Mais en tout cas, bravo. Merci. C'est difficile. Merci Isabelle. Pour toutes ces infos, et vu qu'il y en a certainement qui vont se ruer dans les magasins aujourd'hui, cet après-midi, pour se dire « mince, c'est demain la fête des mères ». Donc, messieurs, les enfants, s'il vous plaît, pas d'aspirateur, pas de robot ménager, on évite. Ça ne fait pas vraiment plaisir aux mamans. Un bouquet de fleurs, c'est très bien, un petit parfum, un beau bijou, quelque chose qui lui fasse vraiment plaisir et qui n'ait pas de lien avec le foyer, la maison, le ménage ou faire à manger, la charge mentale qu'on connaît. Donc si vous allez faire les boutiques cet après-midi, n'oubliez pas, voilà, un beau bouquet de fleurs de la valeur d'un aspirateur, il sera magnifique. Ça, c'est une bonne idée. Allez, on poursuit Fadjet Presque Ensemble, l'édition du mois de mai. On vous rappelle un peu le concept quand même. Hein. Vous êtes à distance, chers chroniqueurs, Isabelle, Jérôme, Joss et Philippe. Même si bien nous sommes déconfinés, eh bien, ce programme nous permet quand même de pouvoir poursuivre cette émission et d'être en général un petit peu plus nombreux, là un petit peu moins. Et on a eu la chance, hein, ces derniers mois aussi, d'avoir des gens un peu plus loin, qui étaient aux USA ou dans d'autres régions de France pour participer à cette émission. On va poursuivre en musique avec Julien Doré, son titre Nous. Et juste après, sur Fadjet, on retrouve Joss avec ses expressions françaises et puis Jérôme qui va nous parler de Dionne Warwick. Vous êtes sur Fadjet, très bon samedi matin à tous. Nous, on ira voir la mer, voir si les gens sont fiers. Imaginez Montello, bien qu'on ait rien su faire, on n'a plus rien à perdre, un peu de ventre et d'égo, et quelques langues à défaire, pour les revoir se plaire. Nous, nous, nous, nous on s'en fout. Prendre tout tant qu'on est. Fadjet, presque ensemble. Et oui, presque ensemble sur Fadjet en ce samedi matin. Isabelle, Jérôme, Philippe et Joss sont avec nous ce matin. On est ensemble jusqu'à 10h pour faire le plein d'infos. Et là, tout de suite avec Joss, on va parler expression française. Et comme je vais te dire, avant de parler des expressions françaises, je vais répondre à Jérôme. J'ai fait un effort. Ah. Je vais vous donner une phrase en anglais. Hello everyone, it's Joss talking to you. Et surtout, bonsoir, ma première leçon d'anglais. Bon, alors, t'aurais dû me prévenir, j'aurais mis un roulement de tambour. Moi, je me serais posé la question, c'est everyone ou everybody? Alors, je ne sais pas, everybody ou... Je ne sais pas. Voilà. On rase gratis, ce qui veut dire les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Cette expression viendrait d'un barbier qui aurait mis à l'entrée de son échoppe une grande pancarte proclamant demain on rase gratis. Mais notre artisan, pas totalement idiot, est prêt de ses sous, il essaie tous les jours. Par conséquent, le bénet qui, le lendemain du jour où il avait vu la pancarte, venait se faire raser ou couper les cheveux et qui s'étonnait de devoir quand même payer, s'entendait répondre « Oui, mais il est écrit que c'est demain, que c'est gratuit. » Alors, une thème « Fumer comme un pompier ». Cette expression remonte à l'époque où les pompiers n'avaient pas encore de vêtements ignifugés. Ils portaient des tenues qu'ils arrosaient avant de rentrer dans les flammes. À forte température, cette eau se transformait en vapeur, de la fumée semblait s'échapper d'eux. Alors, rouler carrosse, avoir un grand train de vie. Cette expression daterait du XIIIe siècle. Cette expression est une ellipse de la locution « rouler avec son propre carrosse ». À cette époque, avoir un carrosse était un signe extérieur de richesse qui prouvait que son propriétaire menait un grand train de vie. Avoir les yeux de chimère. Être passionné par quelqu'un ou quelque chose. Cette expression vient directement du personnage de Chimère, amoureuse de Rodrigue, dans le Cid de Corneille en 1637. L'expression désigne donc initialement une femme amoureuse. Nager entre deux eaux. D'une manière générale, on utilise cette expression pour désigner une personne qui refuse de s'engager. C'est en fait au XIVe siècle que l'on commence à le dire et plus dans le domaine maritime. Nager signifie conduire un bateau. Dès lors, le capitaine qui arrivait à nager entre deux eaux était celui qui, malgré de mauvais courants et des vents contraires, réussissait à garder le cap dans la direction souhaitée. En France, pour la même signification, ménager la chèvre et le chou, ou couper la poire en deux, ou encore assis entre deux chaises, comme moi en anglais. Voilà. Il te manque pas un mot « assis entre deux chaises » Comment ? Assis entre deux chaises, il manque pas, c'est pas le cul entre deux chaises ? Oui, mais voilà. Ouais. T'as pas osé le dire. Entre deux chaises ou le cul entre deux chaises. Il y a plusieurs expressions qui signifient la même chose, comme nager entre deux mers. Entre deux eaux. Entre deux eaux. Alors mon anglais, t'es pas mauvais ? Très bon, mais il y a juste un ou deux petits accents à travailler. Non, mais je te confirme. On va mettre ça en place pour les prochaines émissions. Merci beaucoup, Joss. Tout à l'heure, tu vas nous parler, tu vas nous en dire plus sur les couleurs du drapeau français. Au français. Ensemble. Fadjet, presque ensemble. Pour poursuivre cette émission et arriver tout doucement vers 9h en ce samedi matin, on va faire un retour sur un succès avec Jérôme. Jérôme, tu vas nous parler de Dionne Warwick. Oui, un succès de 1982. Alors, on va pouvoir peut-être mettre un petit peu l'introduction pour savoir si vous reconnaissez le titre de la chanson, peut-être qu'Isabelle, parce que là, je pense que pour Joss, ça va être très difficile. Est-ce que tu peux mettre l'introduction, éventuellement ? De cette chanson de 1982 de Dionne Warwick. Écoute-moi. Voilà. Alors Isabelle, est-ce que ça te dit quelque chose? Non? Pour l'instant, non. Non. Bon, voilà. C'est... Bon, donc c'est 1982, c'est Heartbreaker. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Dionne Warwick, qui est aujourd'hui, c'est plus de 50 ans de carrière pour cette icône internationale de la musique qui a vendu plus de 100 millions de disques. Et petite anecdote, Dionne Warwick, c'est la tante de Whitney Houston. Alors, après avoir enchaîné succès sur succès dès les années 60, sa carrière marque le pas au milieu des années 1970. Et bien décidée à relancer sa carrière, elle décide alors de changer de maison de disques en s'entourant d'une nouvelle équipe dirigée par Clive Davis, qui, au cours d'un dîner d'un mariage d'un ami, se retrouve assis à côté de Barry Gibbs, qui est l'un des chanteurs des Bee Gees, qui lui avoue son admiration pour justement Dionne Warwick. Il propose alors de lui écrire une chanson. Le projet est proposé à Dionne Warwick, qui, après quelques hésitations, accepte. Et c'est ainsi que naît le collecteur Heartbreaker, qui marque la renaissance de cet artiste qui enchaînera ensuite de nombreux autres succès. Alors, d'autres artistes ont repris la chanson, parmi lesquels Christophe Willem en France, pour la bande originale du film Disco. Alors, je vous propose donc d'écouter cette chanson et tendez bien l'oreille car Barry Gibbs est présent dans les chœurs pendant le refrain. Allez, on y retourne. Dionne Warwick sur Fadjet, on se retrouve juste après avec Philippe et Isabelle. Around. Fadjet, c'est plus qu'une radio. Ensemble. Fadjet, presque ensemble. Et oui, encore une édition de Fadjet, presque ensemble en ce samedi matin avec nos chroniqueurs à distance. Alors, la polémique en off pendant cette chanson, est-ce que vous avez entendu Barry Gibbs ? Réponse. Alors, dans les cœurs, vous avez grandement. Dans les cœurs, hein, les Bee Gees. Joss, t'as reconnu quand même ? Je reconnaissais, mais bon, avec mon anglais, je ne pouvais pas le nommer vraiment. Non, mais la voix, tu reconnais la totalité de la voix particulière des Bee Gees. Je reconnaissais. C'est un peu, moi je ne dis pas mon époque, mais je l'ai entendu, j'ai même dansé énormément dessus. Mais c'est vrai que ça fait partie des titres qu'on connaît très bien, sur lesquels on a dansé et autres, mais on ne connaît pas forcément le nom des artistes, parce qu'ils sont d'une autre génération. Ouais. Il y en a un paquet. Hein. Les années 80. Hein, et voilà. Et quand on apprend que c'est la tante de Whitney Houston, je trouve qu'il y a des airs de quelquefois un petit peu de ressemblance avec... Oui, hein, vocalement. Vocalement avec Whitney Houston. Hein. Merci en tout cas pour cette redécouverte, Jérôme. C'était donc Dionne Warwick qu'on a écouté à l'instant. Ensemble. Fadjet, presque ensemble. Allez, on voyage un petit peu tout de suite avec Philippe. Alors, on va pas aller super loin. Et au cas où, hein, au mois de juin, juillet, août, il y a encore des petits soucis et qu'on ne puisse pas passer les frontières de la France, on va rester en France, Philippe. Oui, effectivement, nous allons rester en France. Donc, c'est bientôt les vacances estivales et vous n'avez aucune idée de l'endroit où passer vos vacances. Alors, je vous propose de découvrir la Picardie et plus particulièrement la Somme. Alors, tout à l'heure, on parlait d'accent. Vous savez que les Picards, ils ont un accent particulier. Ils ont un peu un accent du nord... des Hauts-de-France, hein, du nord de la France. Du nord. Que pour Joss, on dit les Picards. Voilà, les Picards. Voilà, hein, donc, hein, on parlait tout à l'heure d'accent, ben voilà, en velin, en l'occurrence, l'accent Picard. Un peu plus simple que l'anglais, non ? Comment ? Il est un peu plus simple que l'anglais. Oui, il est plus simple, mais bon, c'est assez fort quand même. Hein, on comprend pas tout quand même non plus. Les Picards se moquent de notre accent bien lorrain, mais eux, leur accent est pas mal non plus. La Picardie, mes amis, est composée donc de trois départements, la Somme, l'Oise et l'Aisne. Cette région fait partie désormais des Hauts-de-France. Le territoire de la Somme est constitué par un plateau crayeux couvert de limons, parcouru d'est en ouest par le fleuve qui lui a donné son nom et dont l'estuaire, la baie de Somme, s'ouvre sur la Manche. La préfecture et la plus grande ville de ce département est la ville d'Amiens. Les autres principales villes sont Abbeville, Albert et Péronne. Ce département a été créé à la Révolution française le 4 mars 1790 à partir d'une partie de la province de Picardie, dont l'Amiénois, le Marcantaire, le Ponthieux, le Santerre et le Vimeux. La Somme, cœur historique de la Picardie, a toujours été l'objet de convoitises de par sa situation stratégique entre Paris et les Flandres. Ce territoire largement ouvert a été le théâtre de certaines des batailles les plus marquantes de l'histoire de la France. Conquête romaine, guerre de Cent Ans, guerre de religion, la guerre de 1870, la Première Guerre mondiale ainsi que la Seconde Guerre mondiale. Voilà pour la partie un peu historique de ce département de la Somme. Donc si vous vous rendez dans la Somme cet été, je vous invite à visiter la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, qui a fêté ses 800 ans, le musée de Picardie surnommé le Petit Louvre, la maison et la tombe de Jules Verne à Amiens, le mémorial australien à Villers-Bretonneux, la baie de Somme, l'une des plus belles baies au monde, de prendre également le train à vapeur, chouchou les amis, hein, n'hésitez pas, un super train à vapeur, donc de la baie de Somme à Saint-Valery, pour rejoindre Le Crotoy et Cailleux-sur-Mer, d'observer également les phoques dans leur milieu naturel, de profiter des longues et belles plages comme celles de Fort-Mahon, de Quin, de Tréport et de Mers-les-Bains, de chevaucher en Hudson. Alors, vous savez ce que c'est qu'un Hudson ? Absolument pas. Alors, les autres ? Un petit cheval doux et rustique. Voilà, c'est vraiment un cheval que l'on trouve vraiment dans la baie de Somme. Donc voilà. C'est comme le cheval de trait, c'est ceux qui tirent des. Ah non, c'est beaucoup plus petit, c'est comme un demi-poney, mais voilà, c'est robuste et doux à la fois. de visiter également donc les falaises de Holt, et bien sûr, et là c'est le must, hein, mes amis, hein, et bien sûr de manger donc les bonnes moules frites, le traditionnel gâteau battu que vous pouvez trouver chez la maison Trogneux, et la fameuse ficelle picarde. Donc n'hésitez pas à consulter les nombreux sites internet dédiés à la Picardie et à la Somme. Voilà, chers auditeurs de Fadjet, j'espère vous avoir donné des envies de visiter cette très belle région dont je suis tombé amoureux il y a quelques années. Merci beaucoup, Philippe. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir toujours aller un peu dans le sud, hein, quand on veut aller en vacances, mais bon, parfois, il ne fait pas forcément toujours très, très beau. Bon, mieux qu'ici, mieux que dans le nord, mais il y a des belles choses à découvrir quand même, si on va au nord. Je confirme que la baie de Somme, c'est magnifique. Ouais, très joli. Très joli. Merci, Jérôme. Je t'enverrai un petit chèque, hein, pour avoir... Voilà, non, et puis je crois qu'il y a des balades. Bon, j'ai mon fils qui est passionné par les oiseaux. On avait eu l'occasion de faire des balades ornithologiques. Et c'était effectivement très intéressant aussi, cette baie de Somme. Dans le Mercantaire. Dans le Mercantaire, oui, c'était vraiment... Mercantaire. Voilà. Plein de choses à découvrir, en tout cas, en Picardie cet été, si vous voulez. Et puis, c'est pas très, très loin. Donc, on peut faire un court séjour, un week-end un petit peu prolongé. Ça peut se faire aussi avant les périodes de vacances estivales. Ensemble. Fadjet, presque ensemble. On va voyager aussi, mais musicalement, tout de suite avec Isabelle. Alors, le week-end dernier, c'était l'Eurovision. On ne va pas revenir sur la grande polémique. Bravo quand même à la France, hein, pour une fois. On n'est pas trop dans les choux. On s'en est bien sorti. Très, très bien, pour une fois. On a même failli récupérer cette première place, mais voilà. Et donc, Isabelle, comme c'est un groupe de rock qui a remporté, donc ce sont les Italiens qui ont remporté l'Eurovision, tu avais envie de nous parler rock'n'roll et notamment anecdotes sur le rock. Alors, il y en a plein, hein, des anecdotes sur les groupes de rock. Celle de l'Eurovision, on fera une belle, d'ailleurs. Ah oui, sans doute. Sans doute. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes. Alors, première chose, dans les années 80, Van Halen, qui faisait partie de ces groupes qui présentaient aux organisateurs de concerts des listes d'exigences longues comme le bras. Et afin d'être sûr que leurs hôtes lisaient les listes jusqu'au bout, David Lee Roth et ses petits copains avaient placé une doléance bien particulière des M&M's. Rien d'exceptionnel à première vue, si ce n'est que le groupe demandait à ce que tous les bonbons marrons soient retirés. Alors, ils avaient aussi d'autres exigences. Ils voulaient notamment trouver du pain frais avec un couteau cranté, une planche à découper, des nappes à carreaux rouges et blancs ou encore du hareng à la crème aigre. Voilà. Mm-hmm. Pour ce groupe-là. Pourquoi pas Brian May. Alors, est-ce que vous savez de quel groupe il était guitariste, Brian May? Non, pas du tout. Un Metallica. Groupe très connu. Metallica, non? Non. Du rock mélodique, on va dire, avec un chanteur très charismatique. Non, là. Décédé du sida. Ah, bah. Queen. Oui, Brian May, c'était le guitariste de Queen. Et lui, il avait la particularité de fabriquer lui-même sa guitare électrique. Il l'avait fabriquée donc, quand il était jeune, par manque de moyens, à partir de vieux bois récupérés d'une poutre de cheminée. Et il continue à jouer avec cette guitare qu'il a baptisée Red Special, qui est maintenant fabriquée en série, mais avec des matériaux neufs. Une autre petite anecdote. Connu pour sa voix exceptionnelle, sa prestance scénique unique et son charisme hors norme, Janis Joplin avait aussi une grosse descente et beaucoup de tempérament. Jim Morrison lui a fait des avances un jour et elle lui a quand même brisé une bouteille de whisky sur la tête. Quel gâchis. Pardon ? Quel gâchis. Oui, quel gâchis. Que ce soit pour la bouteille ou pour Jim Morrison. une jolie petite histoire. Un fan inconditionnel du célèbre groupe de rock, les Foo Fighters, a organisé en Italie en juillet 2015 un événement inédit. Il a réuni en plein air 1000 musiciens et chanteurs et tous ont joué le morceau Learn to Fly pour convaincre leur groupe favori de venir jouer dans leur ville de Cesena. La vidéo de ce concert est devenue virale et le groupe l'a repéré Et touché par cette attention, il a donné un concert en octobre 2015 dans la ville, invitant même le fameux fan sur scène. Et depuis, il y a un collectif qui est baptisé Rocking Mill, qui est né de cette aventure. Alors, j'ai une anecdote qui est moins sympathique, on va dire, mais qui est complètement dingue. Ozzy Osbourne, le chanteur du groupe Black Sabbath, a décapité une chauve-souris avec les dents pendant un concert, ce qui a largement contribué à bâtir donc sa sulfureuse réputation. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, ce n'était pas la première fois qu'il décapitait avec les dents un animal volant. Un jour, il a déboulé à une réunion avec les cadres de sa maison de disques avec une veste dans laquelle il était planqué des colombes. Et le but de la manœuvre était donc d'impressionner les pontes en ouvrant la veste pour laisser s'envoler les oiseaux de la paix. Malheureusement, il était complètement, on peut dire, défoncé et il avait oublié qu'il avait les colombes dans sa veste. Et quand il a voulu enlever sa veste, il a été pris de panique en les voyant et il en a attrapé une au vol et lui a arraché la tête d'un coup de dent. Alors, bon appétit depuis, pour tous ceux qui sont en train de prendre leur petit déjeuner. Je souhaite un bon appétit à nos auditeurs qui sont en train de prendre leur petit café, leur petite tartine à 9h, quelle heure là, 9h10, 12h. Alors depuis, il est connu quand même comme étant un grand défenseur de la cause animale, ce que je trouve assez drôle. Mais ça doit être uniquement quand il est sobre, je pense. Est-ce que vous connaissez le fameux duck walk, ce qu'on appelle la marche du canard de Chuck Berry? Vous voyez à quoi ça ressemble? Oui. Oui. Eh bien, ça... Mais explique-nous juste quand même, à mon avis, tout le monde ne connaît pas. Alors, vous voyez, vous sautez, vous avez la jambe relevée et vous avancez avec l'autre, mais toujours avec la jambe relevée. D'accord, oui, on voit très bien. C'est tout à fait, c'est très très clair. Alors, pour vous aider... C'est pas ce qu'a fait François aujourd'hui quand même. Je ne sais pas. On ne sait pas, on n'en sait pas plus. Pour vous aider, c'est ce que fait Marty McFly dans Retour vers le futur. Ah, vous voyez, voilà, oui. Il est sur scène, voilà. Il fait ce geste-là, ah, oui, il reprend le... Il est un peu accroupi, avec, notamment avec la guitare, et il part arrière ou en avant. C'est exactement ça. Voilà. Et bien, ce geste-là, ce qui est drôle, c'est qu'il a été inventé par hasard par Chuck Berry, donc, quand il a voulu essayer de cacher les plis de son costume froissé en se dandinant de manière désordonnée. Voilà, c'est quand même comme ça qu'est né un des mouvements les plus légendaires du rock, juste pour un costume froissé. Bah, ça vient souvent d'erreurs, d'accidents, c'est comme la fameuse tarte tatin. C'est ça. Alors, vous en voulez encore? J'en ai encore d'autres. Philippe, oui. Si je peux me permettre, Isabelle, il y en a un qui est dans cet exercice, c'est Angus Young, le guitariste d'AC/DC. Oui. Voilà. Qui faisait ça aussi. D'accord. OK. Alors, est-ce que tu as une dernière petite anecdote? Une dernière, allez. Est-ce que vous avez une idée du rocker qui a sacrifié le plus de guitares sur scène? Il a quand même sacrifié 140 guitares. Ah oui, c'est impressionnant, oui. Une idée? C'est 140 guitares. Quelle nationalité? Anglaise. Anglaise? Anglaise, américaine? Anglaise. Anglaise. Je ne sais même pas prononcer le nom, je vais encore écorcher. Alors, c'est pas la peine. Allez, lance-toi. Ah lance-toi, oui, Joss. Allez, fais-nous ce plaisir. C'est pas grave. Fais-nous ce plaisir, Joss. Gagner un point pour Joss, allez. Allez, Joss. Isabelle, vas-y. Non, Joss, vas-y, essaye. Sex Pistol. Non, parce que plus je m'en retiens, moins j'arrive à sortir. Il fallait le faire spontanément. Ah, Isabelle, c'est pas dans les Sex Pistols? Non. Alors, pour vous aider, c'est ni Jimi Hendrix, ni Pete Townshend des Who, ni Kurt Cobain. Alors, c'est un chanteur plus récent. Enfin, plus récent. Oui, plus récent. Moi, je pensais peut-être à Pete Doherty, parce qu'il fait pas mal de... Non plus, ça aurait pu, mais non. Alors, c'est un groupe, c'est le chanteur d'un groupe, donc en quatre lettres. Kiss? Non, plus récent. Jérôme Morgan. Non, non, mais moi, je suis aussi incompétent. Non, non, moi, je suis incompétent dans les groupes. Allez, Isabelle, dis-nous, dis-nous. Alors, et ben, c'est Mathieu Bellamy du groupe Muse. Ah, Muse. Ah, et alors, quand même, le record, enfin, son record, il a, les 140 guitares, là, c'est en un an. Il a cassé 140 guitares en un an. Ah, bah, dis donc. Mais c'était pour une chanson particulière, non? Non, c'était pendant la tournée Absolution Tour, voilà. Mmh. Ça fait des frais guitare impressionnants quand même. Oui. Très bien, merci Isabelle. Alors tout à l'heure, tu nous parlais, Isabelle, de doléances un peu spéciales. Si vous, là, autour de l'écran, hein, pas autour de la table, Jérôme, Joss, Philippe, Isabelle, si vous étiez une rockstar, ce serait quoi votre demande folle pour le catering, pour Dans la Loge? Ah, pour Dans la Loge... Voilà, tu as une question piège. Ah, alors, ça peut être de tout. Hein. Ça peut être à manger, à boire, un mobilier, un être humain. Un être humain. J'essaye de vous inspirer un petit peu. Ah ouais, je ne sais pas. Alors, une coupe de champagne et Johnny Depp. Eh ben, écoute. Voilà. Bah alors, moi, c'est quoi? C'est une coupe de champagne et Naomi Watts, alors, moi. Ok, Jérôme. Ah, je crois que vous êtes bien branché être humain, là, du coup. Les champagnes, oui, d'accord. Tu nous as donné l'idée aussi. Philippe, Joss, une idée? Moi, c'est... J'ai l'idée de la coupe de champagne, hein, ça. Reculer, mais ça peut être quelque chose à manger qui vous donnerait la force pour aller sur scène ensuite. Philippe, t'avais une idée? Oui, moi, ça serait un bon petit whisky avec Schmoll, avec Eddie Mitchell. Oui, moi, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Alors, la prononciation est bonne. Avec la coupe de champagne. Bon, du champagne, c'est pas mal. Allez, Isabelle, tu nous parlais notamment de Foo Fighters dans ta chronique sur les anecdotes du rock. Eh bien, on va les écouter tout de suite sur Fadjet. Fadjet en ce samedi matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Fadjet presque ensemble. Eh bien, c'est une émission spéciale faite à distance avec nos chroniqueurs au chaud, tranquille chez eux. Peut-être même certains sous la couette. Moi, je vous le dis pas, moi je les vois là à distance avec la visioconférence, vous les voyez pas, mais bon, certains, je vous le cache pas, n'ont même pas fait l'effort de s'habiller. Ah, oui, je balance. Allez, Foo Fighters avec Learn to Fly tout de suite sur Fadjet. Restez avec nous en ce samedi matin. On est bien. This one is a lie. Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus que radio. Ensemble. Fadjet, presque ensemble. Fadjet Fresque Ensemble continuant ce samedi matin. On espère que vous allez tous bien, vous qui écoutez Fadjet tranquillement, peut-être accompagné d'un petit café, d'un petit croissant, d'une tartine beurrée, confiture maison, peut-être en train de faire des pancakes, des crêpes en préparation de ce week-end de fête des mères, hein, peut-être aussi, parce que ça, on en parlait tout à l'heure, une belle idée cadeau, c'est aussi peut-être de préparer un beau petit déjeuner demain pour votre maman et votre chère et tendre. C'est une idée. Mais pour l'heure, de quoi nous allons parler ? Rien à voir, hein. Aucune transition. Joss, tu vas nous parler des couleurs du drapeau français. Et oui, je vais vous parler du drapeau français. Il y a 220 ans, le drapeau français dessiné par Jacques-Louis David, peintre révolutionnaire, fut adopté par la nation comme symbole officiel. Le 15 février 1794, la Convention décide par décret que le pavillon et le drapeau de la nation seront formés des trois couleurs nationales disposées en trois bandes verticales de manière à ce que le bleu soit attaché à la garde du pavillon, le blanc au centre et le rouge flottant au vent. Alors, il faut savoir que le pavillon officiel de France était depuis 1794 et le drapeau officiel depuis 1812. Le blanc représente la monarchie du droit divin. Pendant longtemps, le blanc est associé au drapeau et étendard à la fleur de lys pour symboliser le pouvoir du roi, étroitement lié à la religion. Le rouge et les bleus furent longtemps considérés comme les couleurs de la ville de Paris, portées en cocarde par ses habitants pour la protéger. Le bleu est plus généralement attaché à la France, en étant la couleur des armées de Clovis, son premier roi. Le rouge est la couleur de la révolte, de la patrie et du sang versé. Alors pourquoi les lignes verticales ? Parce qu'elles permettent à se distinguer du pavillon hollandais qui flottait sur toutes les mers déjà depuis un siècle. Et c'est la marine qui a imposé cette verticalité. Avant d'être drapeau, le tricolore fut une cocarde. On raconte que c'est Lafayette qui donna à Louis XVI, reçu à l'hôtel de ville, trois jours après la prise de la Bastille, une cocarde tricolore en déclarant « Je vous apporte une cocarde qui fera le tour du monde ». La cocarde tricolore devint alors le symbole du patriotisme et commence à fleurir aux boutonnières. Le drapeau perdit son bleu et son rouge lors du retour de la monarchie de 1814 à 1830, qui ne garda que le blanc royal. Il reparut tricolore sur les barricades des Trois-Glorieuses les 27, 28, 29 juillet 1830, brandi comme un signe de ralliement républicain face à Charles X. Louis-Philippe accepta le retour du drapeau bleu, blanc, rouge, proclamant que la nation reprendrait ses couleurs. Le 25 février 1848, lors de la proclamation de la République, les insurgés voulurent un drapeau totalement rouge. C'est Lamartine qui sut trouver les mots en poète et galvaniser les foules en homme politique pour sauver le drapeau national. Le drapeau français symbolise les valeurs de la République, d'égalité, de liberté et de fraternité. Ces valeurs sont ancrées dans la culture française. Elles font partie de notre ADN et appartiennent à chaque citoyen. Voilà. Merci beaucoup, Joss. Alors, j'ai eu peur au début, j'avais compris Jean-Louis David, Jacques-Louis David. Je me suis dit, mince, il est pas si vieux, ce coiffeur. J'ai dit Jean. Non, c'est moi qui ai compris. Non, Jacques, tu as bien dit Jacques, Louis, David, mais ouais, voilà. Moi, mon esprit déformé, j'ai compris Jean-Louis David, je me suis dit, waouh, c'est dingue. Eh bien, moi, je ne savais pas qu'au départ, les couleurs étaient rouge, blanc, bleu. Tu vois, en faisant des recherches, on découvre des choses. Mais oui, mais c'est ça qui est intéressant aussi sur des choses qu'on voit tout le temps et on n'a pas forcément la signification. Alors vous ne le voyez pas bien sûr, chers auditeurs, mais nous sommes en visioconférence, on vous le rappelle, et Philippe arbore un beau drapeau. Ah oui. Alors en France, c'est assez, c'est toujours. C'est bientôt l'euro, donc j'en profite pour porter chance à nos footballeurs français pour cette 2020 prévue en 2021. On espère. Et c'est vrai que ça a une grande histoire, mais il nous faudrait 3 pages pour décrypter ce drapeau. Il nous faudrait tout le week-end, quasiment. Et c'est vrai qu'on est assez timide avec les drapeaux en France. Hein, ça a tout de suite un peu une connotation un peu trop. Enfin, nationaliste ou extrémiste, alors que dans de nombreux pays, ils arborent assez fièrement les. On voit hein, notamment pendant les. Quand il y a une Coupe du Monde de foot ou autre. En France, c'est un peu plus timide. Hein. On hésite toujours à mettre un drapeau à sa fenêtre. Mais voilà, il faut arrêter. Personne ne peut se l'approprier. Ça reste le drapeau des Français, des citoyens français. Et c'est une grande histoire qui est dans ces 3 couleurs. Ensemble. Fadjet, presque ensemble. Alors, toujours sans aucune transition, si, on a une petite transition, puisqu'on va passer à de la chanson française. Alors, c'est un blind test spécial, Joss est au taquet, ça y est. Voilà, parce qu'après ce moment culturel, on va peut-être se détendre, effectivement. 100% chanson française, et on en a, alors c'est des choses assez récentes, hein, tout de même, Jérôme. Oui, c'est donc 5 extraits, en fait, de musique de film, qui sont au départ, donc en fait ce sont des chansons qui ont été conçues au départ pour un film et qui sont devenues de grands succès. Hein. Et donc l'objectif c'est de trouver l'interprète, donc ça c'est assez facile, hein. Mais il faut aussi retrouver le titre du film. Le titre du film. Alors on va commencer par 2 chansons qui sont assez faciles quand même. Hein. Donc je pense que là, Joss, tu dois trouver. Je ne me mets pas en avant parce que je n'ai pas la certitude. La pression, la pression sur Joss. Quoi que je puisse connaître le film ou la chanson, je ne mets pas obligatoirement un titre. C'est comme ça. Bon. Donc, il faut s'attendre à « je connais », mais pas plus. J'apprécie, j'écoute. Mais on est tous comme ça. Quand il faut trouver le nom, le titre, on ne le trouve jamais. C'est ça. Allez. Alors, on y va. Jérôme. Allez, premier morceau. On écoute. Oui, bravo. C'était facile, hein, je vous avais dit. Hein, oui. Donc, c'est un film donc, de Christophe Barretier, donc, qui était sorti en 2004 et qui a été nommé 8 fois au César et qui obtient notamment le César, hein, j'ai dit Oscar, le César, et qui obtient le César de la meilleure musique de film. Hein. Alors, quel est celui qui s'est fait connaître à travers sa voix ? Jean-Baptiste Monnier. Voilà, c'est ça, Jean-Baptiste Monnier. Très, très bien. Alors, je ne sais pas si on écoute quand même quelques extraits. Parole. Alors non, ce n'est pas la messe en ce samedi matin sur Fadjet, on vous rassure. C'est un extrait des Choristes. Voilà. C'était le premier morceau à découvrir du blind test de Jérôme. Allez, deuxième extrait, assez facile aussi là. Chers parents, je pars. Louane dans la famille Bélier. Très bien. Vous n'aurez plus. Victoire collective. Alors c'est le film, oui, effectivement, qui a révélé donc Louane, qui était à l'époque âgée de 18 ans et qui sortait de l'émission The Voice, dont elle était arrivée jusqu'en demi-finale. Hein, et elle obtiendra pour ce rôle le César de la meilleure espoir féminin. Mes chers parents. Je pars. Je pars. Je vous aime, mais je pars. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. Et le film a fait un carton, hein, Jérôme. Un remake de ce film qui va sortir prochainement sur Apple TV le 13 août prochain. Il y a un film qui s'appelle Coda, qui est le remake américain de la famille Bélier. Voilà. Et c'est un film qui a pas mal cartonné aussi. Hein. Ah oui, non, donc c'est plus de 7 millions d'entrées. Et c'est vrai que c'est un très très beau film. Ouais. Je pense qu'on l'a tous vu autour de... Ah oui, puis on a même versé des larmes. Oui. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Bien, on va maintenant, une troisième chanson. Alors là, je pense que vous connaissez tous la chanson, mais là, pour retrouver le film, ça sera un peu plus difficile. Ouais, ça va être costaud là. On va pas, Elsa. On va pas. Oui, c'est bien, Philippe. Mais bravo. Maintenant, il faut trouver. Le passage, non? Non. Non, non. Ah non, je confonds avec autre chose. T'en vas pas. Papa. Si tu l'aimes, si tu l'aimes, t'en vas, t'en vas pas. Alors, nous sommes dans les années 80. Si oui. Un film avec Jane Birkin, Christophe Malavoy et Jean-Louis Trintignant. C'est pas comme si elle venait de quasiment dire le titre dans les paroles. Ah oui, bah là, soyez attentif. Très bien, la femme, voilà. Merci Aurélie. Bravo, bravo. Non mais sinon, on est là que jusqu'à 10h l'antenne. Hein. Voilà. Alors Elsa, qui était à l'époque âgée de 13 ans, hein, et qui a donc a lancé sa carrière de chanteuse grâce à cette chanson, qui était au départ juste une petite mélodie qui accompagnait le film. Et au départ, c'était Jane Birkin qui devait chanter cette chanson, mais elle refusa de la chanter. Donc, c'est grâce à cela que... J'avais triché, j'étais allée chercher le titre du film. Alors, bravo. Donc, plus d'un million d'exemplaires vendus pour ce film. Bah, c'était tout bénef pour Elsa, hein, que Jane Birkin n'ait pas voulu le chanter. Puisque... Alors, Elsa, qu'on retrouve maintenant dans de nouveaux téléfilms. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez de temps en temps sur des téléfilms à la télévision. Elle a abandonné la chanson. On se souvient tous hein, de ce refrain, de cet air. Alors Jérôme, ensuite. Je trouve qu'on a découvert la voix de Philippe hein, ce week-end, ce samedi. Oui. Je pense qu'on a une panoplie de ses cordes vocales. Alors donc, on va continuer avec maintenant une quatrième chanson. Alors là, peut-être un peu plus difficile. Bon, je pense que vous allez reconnaître l'artiste, hein, sans souci. Vanessa Paradis. Oui. Alors maintenant. Hein. Bon, je vais arrêter avec mes indices. Hein. Oui, je vous donne des indices. Hein. C'est alors, le même indice que tout à l'heure. Hein, c'est un dessin animé. Le seul vert rose. Non. C'est le même indice que tout à l'heure. Je le répète pas. La scène. Ah non, mais ça c'est le titre de la chanson, mais c'est pas le titre du dessin animé. Mais déjà la chanson. Oui, c'est bien. Il y a M. Donc il y a chanté. Ouais. Soldat rose. Ah non, non. Là, vous aurez du mal, je pense. Hein. Un dessin animé. Ouais, dessin animé, ouais. De 2011. Bon, je pense que là, ça va être difficile. Oui, donne-leur la réponse. Ah, là, donc, allez, c'est donc un monstre à Paris. Un monstre Paris. Oui. Oui. Hein. Alors, un beau dessin animé aussi, là, que j'ai eu l'occasion de voir au cinéma à l'époque. Effectivement. Et enfin, alors je crois que Isabelle va trouver. Là, je pensais qu'elle ne trouverait pas, mais je pense qu'elle va trouver. Donc, on y va pour la chanson suivante. Promets-moi le passage d'être plus fort. Ah bah qu'est-ce que vous êtes si pas tu me survis, d'être plus fort que jamais. Près de toi. Alors ça avec vous qui, avec quel fort. Acteur Alain Delon. Alain Delon, bien sûr. Bah, je vous dire que la chanson est plus connue que le film, hein, qui n'a pas eu un très très grand succès. Bon, que moi qui m'avais dit. Qui n'est pas terrible en même temps. Non, c'est pas terrible. Et c'est pour ça que je pensais pas que vous alliez trouver le titre. Ah, c'est donc film Le Passage. Le Passage. 86. Alors écoute, voilà, on va écouter quand même le refrain. Mais tu me délivreras, tu briseras l'anathème qui me tient loin de tes bras. Philippe, il est en forme ce samedi matin. Oui, il est super en alors forme, on va préciser quand même, parce que je pense que les plus jeunes de nos auditeurs, Francis Lalanne, ne connaissent pas, mais si on leur dit que c'est un monsieur qui a toujours une queue de cheval et des grandes bottes, et qu'on voit parfois beaucoup moins en ce moment à la télé, ils vont peut-être savoir le reconnaître. Oui. Bah, il a fait quelques apparitions à Fort Boyard. Hein. Oui, mais il avait défendu, il s'était présenté aussi aux élections pour défendre les gilets jaunes à l'époque, il y a quelques mois, en succès. Mais... Bon, il fait plus la une de l'actualité en dehors de la musique maintenant, j'apprécie. Enfin, il fait plus trop la une de l'actualité tout court, mais. Mais il a fait quand même quelques tubes. Hein. C'est vrai qu'il avait. On se retrouvera, qui a quand même été, je pense, l'un de ses plus grands succès. Il a un univers un peu particulier, mais il a quand même fait quelques tubes. Voilà, voilà. Bah bon, je trouve que vous êtes quand même bien débrouillé. Ouais, franchement. Et il prend trop vite pour moi. Ah oui, bah alors voilà. Bon, le dernier, je n'aurais pas trouvé. Mais ils vont trop vite. Oh, ma pauvre Joss. On ira plus doucement la prochaine fois. La prochaine fois, on laissera Joss 15 secondes d'avance à la prochaine. C'est quand même dommage que les auditeurs ne voient pas la tête de Joss. Oui, oui. Mais voilà, si on laisse trop de temps à Joss, on va passer à midi, on est encore là. Hein. Allez, on va poursuivre cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h sur Fadjet. Fadjet presque ensemble. On vous rappelle hein, le concept. Je suis en studio parce que d'habitude je suis avec François. Donc je dis nous. D'ailleurs, on le salue à nouveau. On espère qu'il se remet bien. Il est un petit peu souffrant ce matin, donc il n'est pas avec nous. Mais nos chers chroniqueurs sont là à distance, en visio. Je peux les voir, certains sont plutôt bien réveillés, d'autres encore pas trop. On est là à l'antenne depuis 8h30, allez-y le café, hein, vous pouvez y aller. Et puis la prochaine fois, café croissant, on espère qu'on pourra faire ça ici, tous ensemble aussi à Fadjet. On va poursuivre avec un titre, et c'est Joss, je crois, tu nous as demandé d'écouter Black M et Barbara Pravi. Oui, alors bien sûr, les écrits, c'est quand même... c'est quand même une recherche hein, parce que je ne savais pas l'écrire. Vas-y. Alors je pense qu'il y a une confusion. Je pense que c'est moi qui t'avais proposé effectivement. C'est Jérôme, pardon. Moi, je t'ai envoyé. Voilà, parce que j'ai écouté Barbara Pravi. Donc, alors si vous avez écouté, vous êtes fidèle donc de la matinale de vendredi. Hein, donc Isabelle qui a fait son coup de cœur sur Barbara Pravi donc il y a 15 jours. Et donc, j'ai fait des recherches aussi. Et donc, j'ai découvert effectivement une chanson avec Black M, que je ne connaissais pas, qui est Pervers Narcissique. Alors, c'est pas très gay après avoir passé un bon moment avec le blind test. Mais je crois que Barbara Pravi a donc défend la cause donc, des femmes, hein, parallèlement donc, à sa carrière artistique. Donc, Barbara Pravi, on le rappelle, qui était la participante française à l'Eurovision. Voilà, et donc elle défend donc la cause des femmes parce qu'elle-même a été victime de violences hein, donc, conjugales. Et puis, donc, elle a voulu aussi donc, lutter contre les pervers donc, narcissiques hein, qui donc, on va écouter, sont ouais. malheureusement aussi une réalité hein, donc, aujourd'hui. On va écouter dans un instant. Donc oui, Barbara Pravi, c'était l'occasion de faire un petit clin d'œil pour saluer sa belle performance le week-end dernier à l'Eurovision. Vous avez regardé ? Oui. Moi, je ne l'ai pas regardé, moi. Ah, franchement, non. Moi, j'ai fait une soirée Eurovision. Je n'ai pas regardé. J'ai fait une soirée avec une amie papotée. Alors, objectivement, je n'ai pas écouté la chanson qui a gagné. Simplement, j'ai entendu 15 secondes. Alors, Isabelle, est-ce que tu confirmes qu'elle méritait cette première place ? Ah oui. Oui ? Après, je trouve que la chanson est très belle au départ. Donc, alors, les Italiens, pour moi, méritaient leur première place aussi. Hein. C'était original, c'était rock, oui, ça change, c'est bien. Avec Isabelle, tout le monde aurait gagné. Voilà. Mais non. Et la fans avec Isabelle, alors, c'est notre figurez-vous que pendant ma soirée Eurovision, on votait, on mettait des points aux candidats et j'avais mis les Italiens en premier et en deuxième. Ah oui. Bravo. Donc, j'étais bonne en pronostic. Ah bon, si j'ai bien compris, c'est de ta faute, Isabelle, que la petite. Je suis désolée. Mais bon, c'est pas forcément bien de gagner hein, l'Eurovision parce que ça coûte quand même une blinde à organiser. Donc il y en a certains qui font exprès de pas forcément gagner pour pas avoir organisé l'Eurovision d'après. Hein. C'est vrai. Alors, comme je la connais bien, Barbara, je donnerai ton nom et ton prénom pour qu'elle puisse SMS. En tout cas, c'était pour rendre hommage voilà, à la belle prestation et à la performance de Barbara Pravi et montrer un autre aspect de la personnalité aussi et de l'artiste qui s'engage donc notamment dans la cause, la lutte contre les violences faites aux femmes et notamment Pervers Narcissique. On va découvrir ça. Donc, c'est un duo avec Black M. Restez avec nous sur Fadjet. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Fadjet presque ensemble. On a encore des petites choses, des petites infos à vous donner. Restez avec nous. Il était plutôt charmant, ils étaient beaux ensemble, elle aimait l'écouter. Il était éloquent, paraissait innocent, elle s'y attachait. Il était plutôt charmant, ils étaient beaux ensemble, elle aimait l'écouter. Il était éloquent, paraissait innocent, elle s'y est attachée. Pourquoi tu veux me faire du mal? Pourquoi tu veux me faire du mal? Pourquoi tu veux me faire du mal? Au fond, c'est toi qui vas si mal. Charismatique et sûre de lui, elle s'est laissée séduire avec plaisir. Jolie princesse, répond à ses désirs. Quand on aime, on ne compte pas, elle n'hésite pas à donner. Sauvage, mais il l'a fini par la dompter. Elle tombe vite amoureuse, il aime la voir dans cet état. Jeune couple fougueux, le mariage est la prochaine étape. Mais plus le temps passe, plus il s'en prend son pied à la descendre. Elle aime donc, elle lui pardonne toutes ses insultes indécentes. Il était plutôt charmant, ils étaient beaux ensemble. Elle aimait l'écouter. Il était éloquent, paraissait innocent, elle s'y attachait. Il était plutôt charmant, ils étaient beaux ensemble, elle aimait l'écouter. Il était éloquent, paraissait innocent, elle s'y est attachée. Pourquoi tu veux me faire du mal? Pourquoi tu veux me faire du mal? Pourquoi tu veux me faire du mal? Au fond, c'est toi qui vas si mal. Elle commence à croire que ses reproches sont vrais. En manque d'amour propre, elle commence à sombrer. Évite les miroirs qu'elle ne peut affronter. Elle se demande où est passée sa beauté. Comme si elle s'excusait d'exister. Elle demande pardon d'être ce qu'elle est. Il sourit quand il voit son reflet dans ses larmes. Il était plutôt charmant, ils étaient beaux ensemble. Elle aimait l'écouter. Il était éloquent, paraissait innocent. Il était plutôt charmant, ils étaient beaux ensemble, elle aimait l'écouter. Il était éloquent, paraissait innocent, elle s'y est attachée. Pourquoi tu veux me faire du mal? Pourquoi tu veux me faire du mal? Pourquoi tu veux me faire du mal? Au fond, c'est toi qui vas si mal. Allô? Bah, je suis à la maison. Toi, t'es où? Bah, je suis toute seule, je t'attends. Ça fait une heure que je t'attends. Non, mais je sais, mais tu m'avais dit que tu rentrais. T'es relou, franchement, à chaque fois, c'est pareil. Mais je crie pas. Mais t'es sérieux, là? Mais on avait dit qu'on restait ensemble, s'il te plaît, tu peux rentrer. Mais je pleure pas, mais s'il te plaît, tu peux rentrer. Non, j'essaye pas de te faire de la peine, mais s'il te plaît, tu peux rentrer. Non, je te jure que non. Mais j'ai l'impression que c'est toujours pareil. J'arrive jamais à te parler. À chaque fois que j'essaye de te parler, ça revient. Me crie pas dessus. Mais non, je te parle pas mal, je suis désolée. Mais je comprends pas. Putain, reviens, s'il te plaît, rentre. Non, s'il te plaît, je veux rester là. Putain, mais me dis pas de me remettre en question. Putain, arrête de me dire de me remettre en question tout le temps. Putain, je comprends pas. Arrête de me parler. C'est ça que tu penses, vraiment? Je pense que je sers à rien. Putain, mais à quoi je sers? À quoi je sers, putain? Ensemble. Fadjet, presque ensemble. J'aimerais avoir votre réaction. Fadjet, presque ensemble, on vous le dit, on est toujours sur Fadjet 94.2 FM dans quasiment toute la Lorraine, Fadjet.net dans le monde entier. Une petite réaction à ce titre, Black M, donc avec la participation de Barbara Pravi, qui était la représentante française à l'Eurovision le week-end dernier. Jérôme, Joss, Isabelle, Philippe, Isabelle. Ça calme. Voilà. Oui, c'est assez fort. Hein. C'est fort, ouais. Oui. Quand j'ai découvert cette chanson, j'ai été vraiment très, très, très touché par cette chanson. Très bien. Et effectivement, et les pervers narcissiques, il faut effectivement il faut savoir que face à un pervers narcissique, il ne changera pas, donc il faut vite se sauver. Voilà, c'est le message effectivement qu'a voulu aussi faire passer Barbara Pravi. Voilà cette chanson. Alors, un message certes, mais une belle interprétation aussi, parce que effectivement, beaucoup d'émotions, beaucoup de, touché par. Je connaissais, j'avais entendu une fois, mais. Effectivement, quand on l'écoute encore aujourd'hui, là, c'est plus, aussi touché par cette pensée. Beaucoup d'émotions, et c'est très bien. Très est-ce bien que joué. C'est Barbara Pravi qui l'a écrite ou ils l'ont écrite en collaboration? Ça, je ne sais pas. Je sais pas. Alors c'est que la participation de Barbara Pravi, donc c'est possible qu'elle ait rejoint le projet ensuite. On va enquêter, Jérôme, tu vas enquêter. Voilà. Pour la prochaine fois. Voilà, tout à fait. Allez, on poursuit Fadjet Presque Ensemble, c'est bientôt la fin. Ensemble. Fadjet Presque Ensemble. Il nous reste une dizaine de minutes à passer ensemble pour atteindre les 10 heures du matin. On va reprendre un petit café, un croissant. Et j'avais envie qu'on parle série tous ensemble aujourd'hui. Et je voulais vous parler d'une série. Et je vais vous demander ensuite aussi à tous de nous donner un petit conseil peut-être d'une série que vous aimez en ce moment, que vous avez regardée ou pas. Hein, c'est pour ceux qui ne sont pas séries, peut-être un petit film. Moi, je voulais vous parler d'une série qui est actuellement diffusée sur TF1, Plan B. Est-ce que quelqu'un a regardé ? Oui. Oui, oui. J'ai suivi. Donc ça, c'est les lundis soirs. Ouais, lundi soir. Alors moi, je suis absolument pas, pour vous dire, hein, absolument pas série française et encore moins série TF1. Je connais pas forcément tous les acteurs, mais là, je trouve que c'était plutôt une bonne surprise. Je suis tombée dessus un peu par hasard et on accroche. Alors ça manque parfois un peu de subtilité sur certaines choses, mais on accroche pas mal. Hein, c'est plutôt pas mal ficelé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis assez impressionné par la performance de la jeune adolescente. Alors, je ne sais pas son nom non plus, hein, mais qui joue très très bien. Oui. Cette adolescente qui est marquée par la vie et qui est confrontée à de douloureux problèmes à résoudre. Hein. Alors, pour l'histoire, ouais, je vais revenir sur. On va parler de l'actrice qui joue le rôle de Lou. Pour ceux qui n'ont pas suivi, donc Plan B, c'est une série en 6 épisodes. Il y en a 4 qui ont été déjà diffusés sur TF1 les lundis. Donc, les deux derniers arrivent ce lundi. C'est pas une création française, c'est une adaptation d'une série québécoise du même nom. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'aime bien, c'est parce que c'est pas une création française, hein, peut-être. Donc sinon, du côté de l'histoire, donc on a Florence qui est animatrice vedette d'une radio locale à Marseille, une militante féministe qui est aussi donc très investie dans une association d'aide aux femmes. Et elle a sa fille qui s'appelle Lou, 16 ans, qui va plutôt mal. Et ça, c'est vraiment les deux personnages de la série, hein, qui portent vraiment cette série. Il y a aussi un papa, donc les parents sont séparés, le papa est remarié, il y a le frère de Lou qu'on voit aussi beaucoup. Mais on a vraiment Florence... et Lou, la mère et la fille qui sont très présentes. Et donc un soir, Florence va retrouver sa fille allongée sur le lit. Elle a avalé médicaments et alcool et les secours ne vont rien pouvoir faire. Florence est dévastée, elle n'a rien vu venir. Et peu de temps après, elle va être interpellée dans la rue par une inconnue qui lui parle d'une agence qui s'appelle Plan B et qui pourrait lui permettre de remonter le temps en avalant une pilule et donc de changer le cours des choses. Et c'est ce que Florence va faire. Plusieurs fois d'ailleurs, sans vouloir trop spoiler. Alors c'est pour ça qu'on appelle cette série donc une série de science-fiction. Ça c'est pour le côté, je prends une pilule, je retourne dans le passé. Mais il n'y a absolument pas de science-fiction pour ceux qui ont peut-être lu rapidement. Donc c'est vraiment juste ça. Après c'est du très concret, il n'y a pas du tout de... Enfin, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de vaisseau, il n'y a pas de choses bizarres qui arrivent. Et pour revenir aux actrices, Jérôme, tu nous disais donc... Tu nous parlais de la jeune Lou et donc de sa maman. Donc sa maman, c'est Julie Debona qui joue Florence, une actrice qu'on a pu voir dans quelques films, hein, Indigène, Cyprien, Camping 2, mais c'est surtout une habituée des séries de TF1, Tueur du lac, Peur sur le lac ou encore Bazar de la charité. Et donc la fille qui joue Lou, c'est Kim Higelin. Et comme son nom l'indique, elle est de la famille Higelin, c'est la petite fille de Jacques Higelin. La fille de son fils Ken, et donc c'est la nièce d'Arthur H. et d'Isia. Elle a à peine 20 ans, hein. Elle a vraiment très peu de rôles à son actif, quelques apparitions dans 2-3 séries, des courts-métrages. Elle a vraiment rien fait de vraiment important et elle a décroché ce rôle-là. Elle joue là une ado, donc l'ado de 16 ans. Et c'est vrai qu'elle tient vraiment très très bien son rôle. Hein. Beaucoup d'émotions. Elle est vraiment écorchée. Hein. Oui, c'est vrai que... On ne sait pas si au final Florence va réussir à sauver sa fille, parce que le but c'est de repartir donc dans le passé pour changer des événements, des choses qui feraient que la jeune fille n'ait pas envie de se suicider. Donc là, il y a encore 2 épisodes qui restent ce lundi. Et la morale un peu, c'est se dire, est-ce que modifier un événement, éviter une rencontre ou refaire peut-être l'éducation différemment, eh bien, est-ce que ça peut tout changer ? Ou alors est-ce que c'est le destin de Lou ? De mourir à 16 ans, puisqu'on voit bien là dans les 4 premiers épisodes que bon, même si on change des choses, ça change pas forcément fondamentalement l'avenir. Donc ça sera à découvrir. Donc c'est en ce moment les lundis soirs, donc les 2 derniers épisodes ce lundi. Donc ça s'appelle Plan B. Si vous avez raté les 4 premiers, ils sont sur le replay de TF1. Donc vous avez le week-end pour vous mettre à jour d'ici lundi soir. Et sinon, pour ceux qui veulent à la fois voir peut-être les 4 premiers ou surtout voir les 2 derniers, ils sont sur Salto, la plateforme de streaming française, salto.fr. Donc là, il y a tout. Donc vous pouvez, avant lundi, aller voir la fin si vous le souhaitez, si vous êtes sur Salto. Donc vous conseillez. Ah oui, moi je conseille. Ah oui, oui. Oui. Mais je patienterai jusqu'à lundi. Il faut savoir patienter. Pareil, lundi, moi aussi, hein, j'aime. Parce que voilà, tout avoir tout de suite, je crois que c'est peut-être pas la bonne solution. Hein. Philippe et Joss, est-ce que. Alors moi, je suis pas une référence. Moi, je suis vraiment très thriller. Alors, il y a une série qui avait quand même 8 saisons sur Netflix, c'était Homeland. Mais je l'ai bouffé, j'ai beaucoup apprécié. Alors, c'est vrai que les séries françaises, j'adapte pas. Mais cependant, hein, c'est très intéressant. Mais là, pour moi, le coup. Thriller, même dans mes lectures, je suis vraiment thriller. Mais moi, là, pour le coup, sur le papier, c'est absolument pas une série que je serais allée voir en lisant le synopsis. Mais très franchement. Ouais. On a une espèce de, je sais pas, on partage un peu cette angoisse et on se demande comment ça va se passer. Et c'est plutôt pas mal. Un petit conseil. Moi, je trouve que tu es quand même assez sévère vis-à-vis des séries françaises, Aurélie. C'est parce qu'effectivement, il y a de grands succès. Ben, je ne sais pas si vous avez regardé HPI, qui est très original. Non, j'adore. Ah ben, HPI, c'est vraiment la série qu'il faut voir. J'adore. Et qui, c'est vrai que je suis pas sévère. Tout un choix sur des séries où il y a vraiment quelque chose d'impressionnant. Alors voilà, pourquoi, je ne sais pas. Et cependant, c'est vrai qu'il y a des séries françaises qui doivent être très, très bien. Le bazar de la charité que tu as évoqué donc tout à l'heure, donc regardez-le, c'est très très très bien. Oui, ah oui. Alors moi, Audrey Fleurot, je trouve que c'est une très bonne actrice. Important. Mais HPI, alors je vais peut-être me mettre une partie de la Lorraine Ado, mais j'ai vu quelques extraits et je trouve que c'est too much. Non, franchement, regarde le premier. Regarde le premier, c'est le personnage qui est comme ça. Le trait est peut-être un peu excessivement marqué, mais c'est la réalité. Alors après, effectivement, mais le personnage, il est très attachant, je trouve. En tout cas, moi, j'y suis attaché. Et autant Capitaine Marlowe, je ne supporte pas, autant Fleurot, j'adopte tout de suite. Bah, par contre, Capitaine Marlowe, ça me faisait un grand bien parce que c'était une humour un peu déphasé, un peu folle. Bah, là aussi, c'est vraiment de l'humour déphasé. Mais mieux. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais je trouvais que ça. Alors, votre conseil série, donc là, Jérôme Isabelle, c'est HPI. Ah ben moi, c'est la série que j'ai vraiment bien aimée. Alors, dans les autres séries françaises, Hippocrate, alors c'est passé sur Canal, hein, mais c'est très très sympa comme série. Alors, je ne mets pas dans l'eau forcément les séries Canal+, c'est vraiment les séries françaises, TF1, France Télévisions. Je trouve que TF1 a fait des gros efforts au niveau des créations de séries télé, je trouve qu'ils renouvellent leur genre. Alors, tu disais, là, c'est une adaptation Plan B, mais c'est pareil, juste avant, ils ont fait une adaptation de This Is Us. Le Je te promets, elle était superbe, cette série. Ça, j'ai pas. J'attends la suite. Balthazar, la série Balthazar, moi, je trouve que c'est original aussi. Ah, j'ai pas vu ça. Joss, Philippe, un conseil série ? Moi, le souci, c'est que là, par exemple, si on parle de Plan B, j'ai regardé les 2 premiers épisodes. Mm-hmm. Effectivement, j'ai accroché. J'ai pas pu regarder, pour X raisons, le 3 et le 4. Mais je sais qu'on peut les retrouver sur. Ils sont en replay, sur le site de TF1. Replay, etc. Mais non, je suis en train de chercher le nom m'échappe. On parlait de Canal+, qui est un peu différent de TF1. Il y a une série un petit peu thriller là sur Canal+, un peu dans le style, justement, j'écoutais un peu une émission là-dessus, du film Bodyguard. Voilà, hein, alors, ce n'est pas du tout les mêmes acteurs, effectivement, mais voilà, c'est une série accrocheuse. Alors, oui, vous avez fait le tour, hein, on accroche ou on n'accroche pas, on aime ou on n'aime pas, mais je rejoins Isabelle. Je crois que c'est Isabelle qui l'a dit. Effectivement, TF1 s'est amélioré. TF1. Bon, on n'est plus dans Camping Paradis, quoi. Ouais, on n'est plus dans Joséphine Ange-Gardien et compagnie. On est dans du suspense. Bah, heureusement aussi, parce que forcément, chaque génération a aussi des envies différentes. Sans critiquer Joséphine Ange-Gardien, bien évidemment. Hein, parce que ça... Mais TF1 est en train de renouveler toutes ses séries. Hein, parce que, effectivement, ce qui a fait le succès de TF1 il y a quelques années, comme Joséphine Ange-Gardien, hein, c'est le succès n'est plus au rendez-vous maintenant. Joséphine, c'est 4 millions, c'est 4 millions, je crois, à peu près, entre 4 et 5 millions. HPI, c'est, ça a été jusqu'à près de 12 millions. Donc, ça montre bien qu'il y a une évolution. 13, je crois. Oui, Joséphine, je n'ai rien, je regardais, j'aimais bien. Oui, mais voilà, mais bah, c'était... Voilà, c'est... Mais HPD... À voir maintenant aussi avec la fusion TF1-M6, voir ce que ça peut donner aussi... Peut-être parce que M6 n'est pas forcément créateur et producteur de séries, donc à voir ce que ça peut donner. Mais vous savez quoi ? C'est déjà bientôt l'heure de se quitter. Oh ! On est bien là, hein, on ne voit même pas le temps passer. Hein. Bah oui, on n'a même pas eu le temps de parler de cinéma parce qu'il faut retourner aussi au cinéma ce week-end. Mais oui, voilà. Et on avait tendance à parler de séries, rester chez soi. Moi, ça m'a quand même manqué, le cinéma. Autant que j'aime mes séries... Et il paraît qu'il y a un très beau film qui s'appelle Le Dernier Voyage avec Jean Reno qui est sorti. Il paraît qu'il est très bien. Et donc, je pense aller le voir ce week-end. Voilà. Un autre conseil cinéma pour ce week-end avant qu'on rende l'antenne ? J'ai pas vu ce qui était à l'affiche, hein, franchement. Mais c'est vrai qu'on peut retourner au cinéma. Il y a le film du Pantel, non ? Voilà. Adieu les cons, il paraît qu'il est très bien. Oui, qui a eu pas mal de récompenses. Qui avait fait 700 ou 800 000 entrées avant la crise. Oui, qui est en tête du box-office cette semaine, oui. Qui est reparti en tête. Oui. Tout à fait. Cette petite musique vous dit quoi ? Que c'est la fin. Moi, je vais faire comme Joséphine. Tu disparais, Philippe. Eh ben non, voilà. Merci, un grand merci à vous, Isabelle, Jérôme, Joss et Philippe, d'avoir passé ce petit bout de matinée sur Fadjet avec nous. Merci à vous. Merci pour toutes les infos que vous nous avez apportées. Vous pourrez retrouver le podcast sur le site de la radio fadjet.net. On vous souhaite un excellent week-end à l'écoute de Fadjet, bien sûr. Plein d'émissions qui ont repris à nouveau l'antenne. Le programme à découvrir sur fadjet.net également. Sinon, vous restez tout simplement connecté 94.2 et vous découvrez les émissions au fur et à mesure du week-end. Philippe, un tout dernier mot ? Oui, un tout dernier mot. Belle fête à toutes les mamans pour demain. Hein, belle fête. Un gros bisou à toutes les mamans qui nous écoutent pour la fête des mères de demain. Ciao, ciao. Ensemble. Fadjet, presque ensemble.